Il nous est agréable de vivre avec vous ce moment décisif qui fera date dans l'histoire de nos deux pays. Les relations franco-marocaines et le déroulement des négociations inaugurées aujourd'hui ne manqueront pas d'être suivis attentivement tant par l'opinion française et marocaine que par l'opinion internationale. Nous nous devons donc de rester fidèles aux traditions de bon sens, de libéralisme et d'audace créatrice qui sont l'apanage de nos deux civilisations. Depuis la déclaration solennelle de la Selle Saint-Cloud, un souffle nouveau de liberté et de progrès anime les relations franco-marocaines, affermissant notre foi et notre confiance en notre avenir commun. Le gouvernement de la République française a reconnu par cette déclaration le droit pour notre pays de recouvrer son indépendance, prouvant une fois de plus que les principes libéraux dont la France a toujours porté le flambeau restent vivaces dans les réflexes du peuple français. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, le Maroc vient de traverser une dure épreuve. Mais, Dieu soit loué, il demeure inébranlable en sa foi, confiant dans son destin et profondément animé du désir de réaliser son indépendance et de définir les bases d'une coopération étroite avec la France dans un esprit tout à la fois d'innovation et de réalisme politique. De quel poids vont peser ces événements marocains, Eli Kamboukolo, sur la marche vers l'indépendance des pays du continent ? Le poids de ces événements est considérable, puisque l'indépendance du Maroc, obtenue la même année que celle de la Tunisie et du Soudan, en 1956, a un retentissement certainement beaucoup plus grand. Ce n'est pas seulement la victoire d'un homme qui a toujours dit non à la colonisation, ce n'est pas seulement non plus la victoire d'une nation. C'est beaucoup plus que cela. Mohamed ibn Youssouf n'est pas seulement le descendant de la longue lignée des Alaouites qui règne au Maroc depuis 3 siècles, c'est aussi le commandeur des croyants. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique musulmane, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et certaines parties de l'Afrique centrale, l'indépendance du Maroc va parler beaucoup plus peut-être que celle de la Tunisie et du Soudan.